Fabrice. Merci d'être avec nous, parce que je sais que vos fonctions de conseiller du président vous prennent beaucoup de temps. Dans les cabinets, on compte pas les heures. D'ailleurs, c'est la première fois que vous vous exprimez sur un média depuis cette prise de fonction. Tiens, à propos, on voit souvent François J'ai demandé Hollande. L'autorisation. Il a dit oui. Bon, vous savez que s'il avait dit non, vous ne seriez pas là. Ah, oui, non, absolument. Vous savez que ça n'est pas dans les gènes hein, des conseillers de s'exprimer comme ça. Oui, enfin, dans le travail, mais bon. Mais là, ça fait trois mois, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bon, quoi, et uniquement sur le football. On est d'accord. Alors, une petite question quand même, football président. On voit François Hollande au stade. Il aime vraiment le foot, il s'y connaît c'est... Oui, bien sûr. Il aime vraiment le jeu et les joueurs. On a organisé un moment assez fort, là, il y a quelques mois, une rencontre de très beaux écrivains, littérature et sport au Palais. C'était vraiment intéressant. Il y avait Bosque qui vient d'avoir le grand prix du roman de l'Académie française. Benoît Emmermann, Philippe Bordas, il y avait également Otteniente et ce sont des écrivains. C'est la preuve, ça rejoint un peu votre sujet d'aujourd'hui, Fabrice, parce que c'est la preuve qu'aujourd'hui, des années après, tout de même, les Anglais, les Espagnols, qui avaient un temps d'avance, vous avez des écrivains de très grande classe qui écrivent sur le sport. C'est-à-dire que, j'ai envie d'ajouter, bien avant Cantona, qui s'intéresse aujourd'hui, vous avez des Echenoz, vous avez des Paul Fournel, vous avez des écrivains qui sont là depuis des Bosque, des Morlino, des Bernard Chambaz, qui écrivent le sport. Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est quelque chose de transversal désormais, et que, alors, parfois pour le pire ou le meilleur, il y a parfois ce qu'on appelle des one-shots, mais les livres de fond et de grande classe sont là. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on ne pourra plus jamais voir, entendre, regarder le sport de la même façon. Et alors, tout ça est vaste, on peut en parler toute une nuit, parce que je trouve que ça compense et ça nous console d'un spectacle, j'ai envie de dire, un peu trop quantitatif, il y en a trop c'est trop, et là c'est autre chose, c'est la littérature et la culture qui s'imposent et qui créent leur place face à un spectacle répétitif. Comment voulez-vous vous souvenir d'un but quand il y en a mille le week-end? C'est tout ça que les archives que vous nous avez fait entendre sont formidables, parce que c'est pas seulement une autre époque, c'est un autre rapport au sport et au spectacle du sport. Voilà ce que je voulais d'abord te dire. Et donc, Pierre-Louis, vous parlez de l'histoire. Bah, oui, parce que c'est... Parce que ça, alors voilà, c'est un match de football qui entre à la fois dans l'histoire du football et dans l'histoire tout court. Oui, c'est alors il faut pas, on peut pas plaquer. D'ailleurs, c'est les historiens sur d'autres périodes vous le disent et ils ont raison. Il faut faire attention à ne pas plaquer des éléments contemporain sur un élément complètement passé. Bien évidemment qu'il nous touche et qu'il touchera, je pense, d'autres générations. Vous savez qu'on dit encore aujourd'hui le ski, c'est quoi le ski? C'est qui lit? Le foot, c'est qui? C'est Platini. Donc ça transgresse toutes les générations. Et ben Séville, je suis sûr que dans 50 ans, on en parlera encore. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a tout dans ce match. Il y a l'espoir, il y a la tragédie. Mais il y a autre chose tout de même, Fabrice. Il y a deux Allemagnes. Il y a une histoire tout à fait différente qui explique ce qui s'est joué ce soir-là. C'est impossible d'imaginer un France-Allemagne aujourd'hui avec de telles conséquences psychologiques. La preuve en juillet dernier. Bien sûr. Il y avait une dimension sportive. C'est très différent. Comprenez, quand Schumacher revient au Parc des Princes 15 jours ou 3 semaines, je crois, après ce match, il y a des banderoles, c'est tout juste, il n'y a pas des pyjamas rayés dans le stade. Je plaisante qu'à moitié, parce que des pyjamas rayés, il y en a eu. Il y en a eu dans les tribunes de Colombes et du Parc des Princes en 52 ou 53, lors de la première, je n'ai plus la date exacte, mais première grande confrontation entre la RFA, entre l'Allemagne et la France, pour rappeler ce que c'était le sport quelques années auparavant. Donc il y a tout ça encore. Et Schumacher, quand il vient au parc, il y a des banderoles disant que Schumacher, capo SS. Enfin, ouais. C'est un climat totalement délirant. Et donc il faut bien mesurer ça. Ce sont deux Allemagnes. Moi, j'avais pris prétexte à l'époque d'une bande d'étudiants, un peu gauchos à l'époque, et qui sont heureux de voir l'Allemagne et la réussite économique mettre un genou à terre. Quoi. Il y avait tout ça aussi un peu. C'est symbolique là. Ouais. C'est symbolique. Ils passaient leur temps à gagner. On avait des sympathies pour. On passait notre temps dans les salles de cinéma à aller voir le cinéma de Fassbinder, de Rainer Hoff, à l'époque de Schlendorf, puis de Wenders. C'était une culture qui nous fascinait, et on aimait cette Allemagne, on aimait l'Allemagne de Thomas Mann, de la littérature, mais l'Allemagne économique, on la détestait, enfin, elle nous agaçait. Et là, brusquement, le sport qui réunit tout le monde, on était en train de la battre, les Français, hein, je les appelle les jazzmen face aux chanteurs d'opéra, sont en train de gagner. Donc c'est tout ça qu'il y avait dans ce match. Alors, cette équipe de France, qu'on aime parce qu'on a l'impression que c'était qu'ils auraient pu être nos copains, que certains faisaient 60 kilos tout mouillés, ce qui les rendait plus humains. Peut-être qu'il y a une vision un peu déformée, une vision générationnelle. C'est l'équipe de votre jeunesse, c'est l'équipe de ma jeunesse. Nous avons exactement le même âge. Et donc, est-ce qu'on n'a pas tendance à la magnifier parce que c'est l'équipe de notre jeunesse? Bien sûr. Bon, il faut toujours faire attention. C'était mieux avant. Oui, où c'était mieux avant. Mais encore une fois, s'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de littérature. Hein. Faut pas. C'est vrai. On va pas là-dessus. S'il n'y a pas l'enfance, hein, et s'il n'y a pas ce passé qui ne passe pas, il n'y a pas de littérature. Il n'y a pas de mélancolie. Donc forcément que ça joue. Mais je crois que il y a tout de même des éléments objectifs qui font que c'est une époque. Encore une fois. Les matchs sont rares, même à la télévision. La défaite existe. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez raison. La défaite. Eh ben oui, la défaite existe. Et la défaite est encore concevable. La défaite, elle fait partie des enjeux économiques, culturels, sportifs. On n'est pas obligé en permanence de gagner. Ce sont des éléments importants pour comprendre ce qui est devenu le sport spectacle aujourd'hui, qui n'est qu'un sport d'opération et de produit. Et même Platini le dit, il est pourtant patron de l'UEFA, et d'ailleurs il milite pour un sport. Il ne veut pas, il dit, je ne veux pas que les joueurs deviennent des marchandises. Je me demande si c'est pas trop tard. Donc on est dans un rapport au sport très différent à l'époque. Les joueurs, d'une certaine manière, nous ressemblent. Oui. Du point de vue musculaire. Oui, ils nous ressemblent. Il est 60 kilos tout mouillé, quoi. Voilà. On peut s'identifier. Voilà. Hein, vous voyez, c'est pas. Il n'y a pas une. La PlayStation n'existe pas. Aujourd'hui, regardez et comparez ce qui est devenu le football virtuel, comment il se rapproche de plus en plus du football réel, comment les choses se mélangent. C'est un rapport très très différent, y compris le traitement de l'information. Aujourd'hui, les joueurs sont comme on va être papa mobile. On les approche plus. À l'époque, revoyez les images sur Antenne 2. Hidalgo vient parler avec ses joueurs au moment de la sortie de Batiston. C'est littéralement inconcevable. Et une dernière chose, la défaite, enfin, on le disait, peut être belle, onirique, romantique presque. Moi, je l'ai dit. Mais vous le dites d'ailleurs. Vous êtes forcément d'accord. Je l'ai écrit. Ouais. Je l'ai écrit souvent. Et ça n'est absolument pas du tout un signe d'amertume ou de nostalgie. Non. Je dis que nos vies. Si nous imaginons comme indispensable de chasser la défaite de nos vies, nous nous trompons. Je pense à l'écrivain allemand Christoph Wolff. La défaite est nécessaire. Il faut que des maisons s'effondrent pour en reconstruire. Oui, il faut des défaites pour progresser. Quel est ce monde qui ne tolérerait pas les défaites, les erreurs, les progrès? C'est un monde qui va finir par se caricaturer lui-même dans sa quête de victoire. C'est pas concevable. Ça s'appelle l'altérité. C'est perdre pour parfois avancer et progresser. Et ça, on l'a chassé. Et c'est dramatique. Pierre-Louis, on va écouter ce qu'en pense aujourd'hui Marius Trésor. On raconte, il était là. C'est lui qui m'a donné un scoop quand j'avais écrit le livre à l'époque. Ah bon? On va en reparler après. Ouais. Voilà, c'est notre reporter Gaylor Van Wimersch qui l'a joint. On écoute. Allô? Marius Trésor? Oui. Vous êtes un ancien international français, un ancien joueur de football. Quel souvenir, quelle image vous gardez de ce match? Oh, très mauvais souvenir. Quand le match s'est terminé, bon, déjà dans les vestiaires, tout le monde pleurait parce que, vous savez, une Coupe du Monde, ça se passe tous les 4 ans. Moi, personnellement, je savais que c'était ma dernière apparition à ce niveau-là. J'aurais préféré ne pas marquer le but que j'ai marqué en prolongation et que l'arbitre siffle le pénalty qui s'imposait sur la faute de Schumacher sur Patrick. Il aurait sifflé. Moi, j'aurais pas eu à marquer. C'est ça qui me fait le plus mal. Le plus cruel dans tout ça, c'est quand nous sommes arrivés à l'aéroport, nous, on partait sur Alicante, et l'équipe d'Allemagne partait sur Madrid, et de voir l'arbitre du match, M. Corver, parler avec les Allemands, rigoler avec eux. Après le match Après le match à l'aéroport, c'est quelque chose qui s'est passé et il a fallu qu'on retienne Jean Tigana, qui n'est pas épais, mais il voulait aller lui dire deux mots. Mais je dirais aussi que pour les instances du football, et on voit ce qui se passe maintenant avec l'attribution soit au Qatar, soit à la Russie, je pense qu'il n'y a que l'argent qui compte. À cette époque-là, l'équipe de France n'était pas une sommité du football, donc une finale Allemagne-Italie était, je pense, pour eux beaucoup plus valorisante que s'il y avait eu l'équipe de France. Donc là, vous dites que la France a été lésée du fait de son statut. Ah oui, il y a un peu de ça. Et en plus, je dirais aussi, l'équipe de France pour aller à la Coupe du Monde 82 avait éliminé quelle équipe ? Avait éliminé la Hollande. Et qui on nous met pour arbitrer ce match-là ? Un arbitre hollandais. Quand on regarde le parcours de cette équipe d'Allemagne qui arrive en finale, tu t'aperçois qu'il y a eu des choses pas très nettes. Cet arrangement avec les Autrichiens qui permet aux deux équipes de se qualifier et d'éliminer l'Algérie. Donc je pense qu'il y a cette influence néfaste de la part des dirigeants de la FIFA. C'est toujours le cas à l'heure actuelle ? Mais bien sûr. Vous pouvez pas me dire que le Qatar, qui n'a pas une équipe de football représentative, soit celle qui va organiser la prochaine Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore, Marius Trésor, le sentiment d'une injustice, de vous être fait voler cette victoire ? Mais ça s'en ira jamais. Il me reste une cruelle frustration. Et je ne sais pas s'il est toujours vivant ou M. Corver, mais j'aimerais ne pas le rencontrer. L'arbitre, vous lui en voulez toujours ? Ah ouais, ouais. Marius Trésor, merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Comme quoi c'était hier, hein. C'est incroyable. Il parle de ce qui s'est passé hier, Marius Trésor. Vous avez donné un scoop ? Corver, il est plus de ce monde. Hein. Ouais. Si Marius nous écoute, ouais, il y a déjà quelques années. Oui, c'est Marius qui m'a donné, enfin, en écrivant le livre, hein, il y a une dizaine d'années. Vous en avez un tout petit peu parlé, et puis c'est toujours difficile de nommer les joueurs, parce que c'est mettre le projecteur sur une erreur, j'aime pas ça. Bon, enfin bon, maintenant, il y a prescription, et puis de toute façon, ça reste un grand joueur, quel que soit ce qui s'est produit. Mais si que c'était dans le rond central, en effet, et il discutait avec Platini et il avait envie de tirer le cinquième, quoi. Voilà. Et Platini lui a dit, tu es gentil, tu dégages, c'est moi qui vais le patron. Dire. Et ça l'a énervé, il est parti en courant, parce qu'il a pris du retard, Corver ouais. L'attendait, et il est parti, il est arrivé agacé, quoi, finalement. Il a bâclé un peu son... Enfin, on peut imaginer qu'étant agacé, parce que Platoche lui avait dit, tu dégages et tu vas tirer ton pénalty, voilà, et il l'a manqué. Voilà, c'était un petit... Donc ce que je disais au conditionnel... Ouais. Non, mais ça c'est vrai. Formidable. Mais Marius qui me l'avait dit vous à l'époque. Ah oui, je vous le confirme, il y a eu un agacement. Bon, enfin, ils sont deux à avoir manqué, hein, de 6 aussi. Est-ce que vous pensez, comme je l'ai avancé, de façon un peu aventureuse, que le triomphe de 98 doit quelque chose, même ne serait-ce qu'un petit quelque chose, à toute cette filiation qui commence avec les Verts, et puis l'équipe de France de 82, qui arrive à nous faire penser que la victoire est possible quand on est français, parce qu'avant c'était une malédiction. Hein. Bien sûr, c'est incontestable, tout s'est construit progressivement, le football, alors là c'est toute notre jeunesse, ma jeunesse, 20 ans... En gros, en 76 ou 77, donc avec les Verts qui commencent à progresser, il y avait un vous souvenez, par exemple, mouvement vous populaire. On va dire ça aux auditeurs. Mmh. On a le même âge, hein, Pierre. Mmh. Et on avait nos on cahiers. On a même appris ce métier ensemble. Exactement. Et on avait des cahiers de lycéens. À l'effigie des joueurs, on achetait dans les papeteries des cahiers. Alors, l'un avait son cahier Battenet, l'autre son cahier Rochetour. Et cette équipe de Saint-Etienne était quasiment une équipe de France. Il était tellement populaire que Durafour, à l'époque, qui était ministre, qui était maire de Saint-Etienne, avait voulu enrôler Rochetour sur sa liste. Et Rochetour, qui était plutôt sympathisant de la Ligue communiste révolutionnaire, lui a dit, vous êtes gentil, vous m'en tirez de la liste. Donc, c'était des figures très populaires. Bref, c'est vrai qu'on est allé vers 98, petit à petit. Après, il y a eu la victoire, bien sûr, de l'Euro, en 84. Tout ça, c'est construit au fil du temps pour arriver en 98. Et en 98, oui, c'est bien, c'est formidable. Encore qu'on est... c'est pas parce que la victoire est là, on pouvait critiquer. Mais après, on n'avait plus le droit de critiquer. C'est bien, mais on a tout confondu. On a confondu la victoire d'une équipe de France, magnifique, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, avec une victoire culturelle. On nous a fait croire, on nous a pris pour des gogos à l'époque. On a quelques intellectuels nous ont dit, vous allez voir, la croissance va revenir, vous allez voir, ça y est, le football, c'est formidable, c'est un vecteur de rassemblement. Oui, tonton, le football, c'est un vecteur de rassemblement, mais il faut aussi autour des écoles, des chercheurs, des hôpitaux, une éducation, un partage social, tout ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas une mosaïque. On l'a bien vu, résultat, puisque 5 mois plus tard, le Stade de France était envahi et que le chômage était toujours là dans les banlieues. Donc on nous a un peu pris pour des gogos. Le football, c'est très bien, mais ça ne réglera jamais toutes les questions de la société française. Voilà. Quand vous aviez 20 ans, que vous regardiez ce match France-Allemagne en 82, vous écoutiez, j'imagine, comme moi, comme d'autres, Human League, et cette chanson notamment, Don't You Wait Me Baby. Écrivain est avec nous pour ce numéro consacré à la défaite de l'équipe de France devant l'équipe d'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde en 1982. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez écrit, Pierre-Louis Sévy, 82, le match du siècle. Comment est venue l'idée à la table ronde maintenant, hein. Il est en poche à la table ronde. Je le dis parce que c'est une magnifique maison d'édition. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, le foot, vous aimez, évidemment. Il y a eu une réflexion autour de ça. Puis un jour, vous vous êtes dit, faut que je l'écrive, quoi. Oui, ce qui me plaisait, c'était le fait que ce match avait réuni tout le monde. D'ailleurs, la une de l'équipe le lendemain, fabuleux. Elle avait réuni les ouvriers, les intellectuels, toute la société française s'était retrouvée dans cet espoir. Et puis cette défaite, vraiment, le lendemain, on était quand même sonnés tous. Hein. Ah oui. Et donc, je me suis dit, étant étudiant à ce moment-là, je me suis dit, je vais écrire un livre, finalement, un match regardé par cette jeunesse-là. Et je me souviens très très bien, vous savez, c'est beau, c'est comme dans les films de Sautet maintenant. Pourquoi on aime le cinéma de Sautet? Pourquoi les générations même nouvelles aiment ce cinéma? Parce qu'on peut fumer, il n'y a pas de téléphone portable, les héros les héros s'appartiennent. Ouais. Quand on a un dialogue, on l'a vraiment. On n'est pas comme dans ces réunions où tout le monde a son iPhone là et puis tout en te parlant t'as le mec qui est à côté et puis qui te fait un autre numéro. Enfin c'est quand même une société totalement barbare. Donc là on s'appartenait quand même. Et alors moi j'avais un copain qui était peintre qui a fait sa vie de peintre, qui est un grand peintre et qui à ce moment-là était étudiant dans sa petite piole à Vincennes, je me souviens très bien. Ben on s'appelait à la mi-temps, quoi. Ben on n'avait pas le portable, donc il voulait des nouvelles du match. Et ça a travaillé dans mon esprit. On était dans une maison de banlieue, je me souviens, à Juvisy-sur-Orge. Et voilà, et c'est aussi un livre sur la jeunesse qui s'en va. Que sont-ils devenus? Ce match est un marqueur. Parce que ce match les réunit, ses copains, à travers le temps. Donc voilà. C'est pas seulement un livre sur un match, c'est un livre sur la jeunesse perdue. De Verre qui va se suicider. Enfin, voilà. Tout le monde a sa jeunesse et a sa génération. Et tout le monde devrait écrire un livre sur sa jeunesse pour pas qu'elle s'en aille. Bien. Alors, écoutez, on va entendre une dernière archive. Un monsieur qui était respectueux et qui est aujourd'hui un monsieur respectable. Alors, faut pas toujours forcément le déranger au téléphone sans le prévenir, hein. Ça peut être, mais bon, on écoute. Allô? Bonjour, Michel Hidalgo. Oui. Vous étiez le sélectionneur de l'équipe de France en 1982, la Coupe du Monde espagnole. Quel est votre souvenir de ce match, le 8 juillet 82, en demi-finale contre l'Allemagne? Séville 82 a été un match où tous les éléments de la tragédie, on pourrait presque dire, étaient réunis. J'ai jamais vu, après un match, un vestiaire de joueurs internationaux, comme l'équipe de France de cette époque. C'était des hommes avant le match, et j'avais des enfants après le match. C'était les pleurs, c'était l'incompréhension, c'était tout contre l'arbitre. Il y avait tout ça. On avait un avion à prendre qu'on a retardé d'une heure, parce que quelques joueurs n'étaient même pas encore déshabillés une heure après. Il y avait une colère et ça a été une nuit dantesque. On en voulait à tout le monde et on en voulait surtout à l'arbitre. Je pense qu'aucun joueur, quel qu'il soit, ne mérite ce qu'on a subi ce jour-là. C'était la fin de carrière d'un Marius Trésor qui était un type extraordinaire et qui ne méritait pas une aussi triste épilogue. Je pense toujours à lui, je pense à ses pleurs dans le vestiaire. J'ai vu un Platini en colère au micro de toutes les radios. Il y avait une forme d'injustice que les joueurs ne comprenaient pas. Michel Hidalgo, aujourd'hui, est-ce que vous gardez encore un traumatisme de ce match ou est-ce que ce traumatisme a été effacé ? Effacé complètement, non. Mais on oubliait un petit peu que 2 ans plus tard, on a été champion d'Europe. C'était le premier titre du football français. C'était quand même quelque chose d'important, surtout qu'il avait lieu en France. Mais on n'a pas réussi à éteindre tout ce qu'on avait subi dans cette demi-finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire que même la victoire de 84 n'efface pas totalement le traumatisme de 82. Complètement ce qu'on avait subi en 82. Est-ce que vous avez revu ce match depuis ? Non. Bon, j'ai jamais voulu le revoir. C'était un grand souvenir et en même temps un mauvais souvenir. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, puis on remercie Gaylord Van Wimmerch pour ses interviews qui sont absolument formidables. Le commentaire, Pierre-Louis ? Non, il ne l'a pas revu, mais en revanche, il a sorti mon livre de sa poche encore il y a quelques mois. Il est adorable, il a toujours sur lui. C'est sa Bible ? Oh, il m'a aidé, pour le vrai. J'aime beaucoup Michel Hidalgo. Bon, rapidement, France-Suède ce soir, comment vous la sentez cette équipe de France d'aujourd'hui et dans la perspective de l'Euro 2016 ? Vous qui connaissez le football, vous avez été journaliste sportif. Hein ? Oui, mais je suis un peu moins là. Oui, c'est bien. Ibra n'est pas là, je crois, Ibrahimovic. Hein. Bon, je pense qu'ils vont gagner. Une équipe qui se reconstruit avec des joueurs. Voilà. Bien, je vais vous laisser repartir. J'étais vraiment content, Fabrice, de te voir et de parler un petit peu ballon. Et voilà, et toujours autant de talent à la radio. Ouais. Merci Pierre-Louis. Vous allez repartir à l'Elysée maintenant, travail. Ouais, ouais. Mission passionnante. Passionnante, oui. Ça, les termes sont passionnante le lundi, harassante le mardi, chronophage tous les jours, étrange le mercredi, mais une très très très grande fierté de travailler aux côtés du président de la République. Voilà. Bien, merci Pierre Lebas. Un de ces jours peut-être pour autre chose, du football par exemple, un autre match. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.